Skyrock Classics. Classics. Kayla 2SIKS. Where everything happening today, you don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa, look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. See, you're not satisfied, and I don't see nobody else. I see myself. I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. Yeah. Through my rise and fall, you've been my only friend. Yeah. You told me that they can understand the man I am. So why are we here talking to each other again? I see the truth in your lies. I see nobody by your side. But I'm with you when you're all alone. And you correct me when I'm looking wrong. I see the guilt beneath the shame. I see your soul through your window pane. I see the scars that remain. I see Wayne. I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. You through my rise and fall. Talking to each other again. Looking at me now, I can see my past. Damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors. I even look good in a broken mirror. I see my mama smile, that's a blessing. I see the change, I see the message. And no message could have been any clearer. So I'm starting with the man and the MJ taught me that. Here we are again, through my rise and fall. You've been my only friend. Take them to Mars, man. You told me that they can understand the man I am. So why are we talking to each other again? BP, looks like I did take him to Mars this time. So why are we talking to each other again? La première fois, c'était sur Skyrock, Skyrock Classics. On se méfie, c'est cette mentalité de tocard qui dans le pays sévit. Bien souvent, j'ai ressenti dans le regard des gens de la méfiance à mon égard, mis à l'écart et c'est vexant avec ça. La paranoïa t'envahit, de quoi au fond de toi, la jour à sommeil après ça. Tu deviens insociable, tout le temps tu te sens pris pour cible. Pas aimable et très susceptible, impossible d'instaurer un dialogue. En plus, pour en rajouter, les médias nous cataloguent. Tout ça, lycée nous nique la santé. On montre toujours les mauvais côtés, dans les films c'est abusé. Pourquoi on nous fait passer? Je suis médusé, faut pas pousser. Je suis pas un arracheur de sac à main. Survêt de basket, casquette, mais dans le droit chemin. Catalogué, coupable à chaque fois. Mis à l'écart, fiché, on m'est montré du doigt, présumé jeune.

Chaque dimanche 18h20 on revit avec les titres qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock. C'était I Believe I Can Fly, R. Kelly à l'instant, la bande originale d'un film. C'était le film Space Jam avec Michael Jordan et les Looney Tunes. Sur Skyrock on prépare une autre bande originale de film, c'est celle de Fast and Furious 7. Wiz Khalifa, Charlie Puff pour See You Again, et juste avant on fait un tour sur l'album de DJ Kops. Le DJ Dayam avec Stormy Bugsy, le Playboy de Sarcelles, à écouter maintenant dans Skyrock Classics 18h20h comme chaque dimanche soir sur Skyrock. Je reconnais bien là le Playboy de Sarcelles. Je reconnais bien là le Playboy de Sarcelles. Je reconnais bien là le Playboy de Sarcelles. Ouais, je suis un mauvais garçon, une canaille. J'arrive, j'esquive une pute, mitraillette, tous mes cils, mes six en tête, je les baisse. Rentre dans le casino, à l'aise, les serveuses, Miss Penise, frise la crise de joie. Calmez-vous, y'en aura pour toi, et toi, et toi. J'suis bien loin des képis, groupé dans moi des plaques coucheteux. J'suis déteneur du titre à hauteur, videur au tapis. Jamais de portefeuille, de peur de prendre l'habitude de mettre des petites liasses dedans. Non, un pour la tasse, deux pour la basse. T'as ma tasse, si ta meuf est trop bonne, tu seras jamais mon pote. Jamais. Mais si t'es mon pote, j'peux donner ma vie pour toi. Je fous le dawa, j'veux être l'amant de la femme du président. Hey garçon, comment c'est ton nom? Et m'ont fait donc couler le bon dans Pérignon. Le bon cru est à Matignon. Miss, arrête tes chichis, paraît-il, j'suis un chalot. Ça suffit, j'ferai n'importe quoi pour être avec toi. Rien ne m'arrêtera, je tuerai pour toi. Sans trace ni casse, un bon coup. M'envoler avec mon Boeing, avec mon logo là-bas dans le ciel, avec bijoux. Dans ce film sublime, les rimes sont toutes criminelles. Tu reconnais bien là le style du Playboy. Chaque jour tu survires, mais s'il est éternel. Tu reconnais bien là le style du Playboy. Relève la tête, le bras qu'on doit être ponctuel. Tu reconnais bien là le style du Playboy. Et le soir tard, le lapin se rue sur les femelles. Tu reconnais bien là le style du Playboy de Sarcelles. C'est vrai que je suis un joueur, un playboy. Démarre au quart de tour comme un cowboy. Mais j'en ai assez, je veux me poser. Et même quand je mens, c'est vrai, pas de distinction de Fatma. J'adore l'arc-en-ciel, noir, blanche, asiatique. Rabza, la Ziza, ma money comme money. Ma marque de jean pour que mon ostomie apparaisse sur tout le cul des filles. Tu seras content? Ma foi, oui, mais c'est bien beau tout ça. La fête, les nanas, me pavaner. Mais je veux de la monnaie, y'a plein de politiciens qui jouent les bons citoyens à la télé. Des sortures de première table, des prostituées, la cam dans le nez, j'ai calé rat qui t'est ramassé et rien radoté. C'est ça la mafia, méfie-toi de ma façon de m'infiltrer. Pas de gaffe, j'en place une pour les femmes de la maf incarcérée. C'est bien moi, Stormy Bugsy, gangster d'amour taré. Paré au scandale, comme d'hab, j'emballe ma rate au tribunal. Fais l'amour au parloir, un bel en noir, mulâtre à abattre. Le joker est ma carte, nom de code Gildoir. Jamais fâché, même sur un ring négro. Touche un cachet gros pour qu'un esmalto me sape chez lui aussi. Et si on m'a, tu joues ma gueule comme Mohamed d'Ali ainsi, mais va dans la mesrine, jamais faire le mesquin. Dans ce film sublime, les rimes sont toutes criminelles. Tu reconnais bien là le style du Playboy. Chaque jour tu survires, mais s'il est éternel. Tu reconnais bien là le style du Playboy. Relève la tête, le bras qu'on doit être ponctuel. Tu reconnais bien là le style du Playboy. Et le soir tard, le lapin se rue sur les femelles. Tu reconnais bien là le style du Playboy de Sarcelles. Ah wesh, wesh. 3-2-1 pour tous les salauds. Côté obscur, DJ K-Ops, AKH, la Funky Family, Shuriken, haha, et mon secteur A, Miss Madame Asia, 95200 PLC, les mecs qui signent de leur sang. Ahmed Day, double S, il part. La pine, mon calibre est tellement grand que tu peux faire du toboggan. Chaud lapin, veuillez flair. Stormy Bugsy, Playboy, le Warren Petit du rap français. Chaud lapin. Classique, classique, 18h-20h. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when see you again. Let me tell you. When I see you again. Both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Skyrock Classics tous les dimanches 18h-20h avec la bande originale de Fast and Furious 7. Wiz Khalifa et Charlie Puff, on écoutait See You Again à l'instant. Et c'est Noël sur Skyrock, on a des chèques de 1 500 € à vous filer pour financer vos cadeaux, pour vous faire plaisir en cette fin d'année. Dans le Morning de Default qui sera de retour demain matin entre 6h et 9h. Faut répondre Skyrock dès qu'on vous parle radio au téléphone. On appelle chez vous et sur les inscriptions. D'ailleurs tiens, pour vous inscrire c'est maintenant et peut-être qu'on peut vous appeler demain matin. Pour vous demander quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock, c'est 1 500 € cash dans la poche pour bien attaquer la semaine. Comme par exemple Kedira qui a gagné à côté. Kedira, il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Skyrock. C'est gagné. Eh ben c'est bon. Eh ben bravo. C'est Skyrock et t'as gagné. Tu iras 1 500 € en direct à Dijon ce matin. Merci beaucoup. Premier sur le cash entre 6h et 9h. Et pour s'inscrire, il faut envoyer un petit SMS 1 500 maintenant au 720 20. 1 500 au 720 20. Et c'est peut-être 1 500 € cash pour vous dès demain matin. Soyez là. Et écoutez bien le Morning de Default entre 6h et 9h. Du gros son US à écouter et à suivre. Avant 19h dans Skyrock Classic, c'est Jay-Z, Can I Get a Fuck You, et Shaggy juste après, It Wasn't Me sur Skyrock. T'écoutes Skyrock Classics, 18h-20h sur Skyrock. Avec Nesbill, à chaque jour suffit sa peine sur Skyrock. Juste après, on se fait Jay-Z et Shaggy. Papa, tape maman, mon cartable, ma tristesse, mon lit superposé, mes petits frères, ma jeunesse. On s'accroche au RER, la vie défile à toute vitesse. Courir, grandir, je me sens libre dans l'ivresse. Les sous, les soucis, au petit déj, j'en mange par centaines. Par la porte, les huissiers, impossible de fuir les problèmes. Aujourd'hui j'en rigole, à chaque jour suffit sa peine. Mariage, enterrement des roses, bouquets, chrysanthèmes. La flemme de se réveiller, travailler, sécher les cours. Mon destin correctionnel, tu seul sais ce que j'encours. Un jour prochain, y'a plus de suspense dans mon parcours, enfant des dunes. Je peux pas stopper le compte à rebours. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. ça. J'en ai repas en silence, un homme qui se noie à travers du miroir, nos sourires. J'étais petit, j'avais peur dans le noir, nuit blanche. Dans ce couloir, je marche interminable et ce boulevard. J'écris de la main gauche, dégueulasse, c'est mon buvard. Et dis tout d'ail pour écrire l'histoire. Une défaite, un exploit. À chaque jour suffit sa peine, demain je trouve un emploi. Tomber, se relever, partir, tout le monde cherche sa voix. Un regard, l'amour rentre dans ta vie sans le savoir. Ce monde, un grand mensonge, on cache les apparences. Un calvaire, du caviar, ça commence par une romance. Triompher, regretter, pas tant de souffler que ça recommence. À chaque jour suffit sa peine, on sera tous rois avec la patience. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Pas même nos souffrances. À chaque jour suffit sa peine. Tu vas tomber, te relever, jamais reculer. L'essentiel c'est que t'avances. À chaque jour suffit sa peine. Grosse dédicace, coup passe. Seuls les murs restent en place. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa haine. On trouve pas le bonheur dans l'oseille. Ah, à chaque jour suffit sa peine. Skyrock Classics, Classics, Classics, 18h-20h. What the fuck, bitch? Can you bounce with me? Yeah, yeah, yeah. Bounce with me. Can you bounce with me? Bounce with me. Bounce with me. Yeah. Can I hit it in the morning without giving you half of my dough? And even worse, if I was broke, would you want me? If I couldn't get you finer things like all of them diamond ring bitches kill for, would you still roll? If we couldn't see the sun rising off the shore of Thailand, would you ride then? If I wasn't driving, if I wasn't a eight-figure nigga by the name of Jigga, would you come around me and would you clown me? If I couldn't flow futuristic, would ya? Put your two lips on my wooden kiss it, could ya? See yourself with a nigga working harder than 9 to 5, then 10 to 6, two jobs to survive. Or do you need a baller so you can shop into the mall? Brag, tell your friends what I bought ya. If you couldn't see yourself with a nigga when his dough is low, baby girl, if this is so, yo, can I get a fuck you to the bitches from all of my niggas who don't love hoes? They get no dough. Can I get a woo-woo to these niggas from all of my bitches who don't got love for niggas without love? Can I get a fuck you to these bitches from all of my niggas who don't love hoes? They get no dough. Can I get a woo-woo to these niggas from all of my bitches who don't got love for niggas without dubs? Bounce with me, with me, with me. Can you bounce with me, with me, with me? Bounce with me, bounce with me. Can you bounce with me, with me, with me? You ain't gotta be rich, but fuck that. How we gon' get around on your bus pass? So I put this pussy on your mustache. Can you afford that? My niggas breadwinners, never corn. Ambition makes me so horny. Not so fussing in the front end. If you got nothing, baby boy, better get up, get out, get some. Shit, I like a lot of pirata, Alizé and vodka. Late nights, can't do lie. Then I get a cocker. Get it up, I put it down. Every time it pop up, huh? I got the snap, let it loose, then I lock you. For the juice, then I got you. When you produce a rock, I let you meet mama and introduce you to papa. My Gucci remains in a Gucci name. Never test my patience, nigga. I'm high maintenance, high class. If you ain't rolling, bypass. If you ain't holding, I dash yo. Can I get a fuck you to the bitches from all of my niggas who don't love hoes? They get no dough. Can I get a to these niggas from all of my bitches who don't got love for niggas without dubs? Can I get a fuck you to these bitches from all of my niggas who don't love hoes? They get no dough. Can I get a to these niggas from all of my bitches who don't got love for niggas without dubs? Can you bounce for me, for me, for me?

Blowing trees, summer breeze, sipping Coronas. Boss dog, I give it to her right, and she like it. She on the hip like a sidekick. Is he one of the coolest of fool on the flow? I whispered in her ear, come here, you ready to go? I rolled up a winner and put it up in the air. Got that little dress on, you coming up out of there, yeah. She like that, you like that? You say you bite, well I bite back. And I'm all go, we can do it to tomorrow. I beat it up like Harpo. Snoop it, I go hard, baby, yes. Kissing on your chest and I'm digging out your stress. I won't stop till you finish, but you ain't felt love till a gangster get up in it. Drink. Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack, my gun out like take that. You do what it do when we doing what we doing in the back of the lab. I'm like, I'm a ball for that. And every night her body gets back. I got that gang, still gang gang, still that gang, still gang gang. She always call in the middle of the night, cause I'm a dog, I'ma give her what she like. She say my name loud, I say her name low. That's what I aim for, that's how the game go. Baby like the way I wake her up, cause I'm a gangster, I grab her by the butt. Pull her to my side, I'm in deep. Woke that ass up, just to put her to sleep. Every day is the same thing, I creep in. It's like True Blood, I sink my teeth in. I gotta have it, the LB raised me. We was taught how to dick them down crazy. Lights out, I'm so lit. Mommy's so gone, daddy won't quit. I won't stop till you're finished. You never felt love till a gangster get up in it. Dream. Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack, my gun out like take that. She make you do what it do when we doing what we doing in the back of the lab. I'm like, I'm a ball for that. And every night her body gets back. I got that gang, still gang gang, still that gang, still gang gang, still gang, still gang gang, still that gang, still love. This the light that you show, the loop, the coupe, the roll. Everything goes, it's so good, got her wiggling her toes. Wow. The boss, the dream. The floss, the cream. The trips overseas, all these things really don't mean a thing. When I'm tearing that ass up, working you like a shift, I give it to you like a gift. You hear what that boy say? You getting jacked, give it up fast. Then I hit it from the back. Snoopy is so good, she's screaming and I like that girl. She off in another world, I won't stop till you finish. She love this gangster, especially when I'm in it. Dream. Every time I come around, shawty love me down. Run up on me like click clack, my gun out like take that. She make you do what it do when we doing what we doing in the back of the lab. I'm like, I'm a ball for that. And every night her body gets jacked. I got that gang, still gang gang, still that gang, still gang gang, still that gang, still gang gang, still that gang, still love. Gang, still gang gang, still that gang, still gang gang, still that gangsta, gang, gangsta, that gangsta love. Ils ont tous démarré sur Skyrock. Démarré sur Skyrock. Skyrock Classics. Warriors. C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Le bateau est de retour au hardcore. C'est parti, ça vient de s'année. Direct, issu de la génération fond qui t'a gêné. Pas de soucis, mais pas de chip ici. Pas de chichi si tu diras pour te chier dessus. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde, son dicté pourra. Mais c'est comme ça. Connecto, le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales se graissent. Et puis, ça bible de nous, rêve de voir le sous. Mais ne t'approche pas, Hollande. De bon te fout des coups de peu bon. Si tu respectes pas les règles, mec du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Mec tout cela je les stoppe à base de pop pop pop pop. Stan, stan, stan. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop pop pop pop. Mec pour le hip-hop je développe la scène Sunny. C'est de la bombe bébé. Et si t'as le pédigré ça s'en connaît au début. C'est de la bombe bébé. C'est de la bombe bébé, c'est de la bombe bébé. C'est de la bombe bébé. Oh, ça vient de Sony, tu reconnais la race. Alors fais-toi, c'est ça tout petit. Prends le double R des boules pour te mettre l'enfer. Tu crois que tu l'es.

Now that I got the blood, let me speak on this. Yeah, right? I hear a lot of kick in this bitch. Turn the music up in this motherfucker. We the motherfucker track, nigga. Alright? Method Man, Red Man, I am. Let's get it done. Yeah. Blanco, that's my old thug. Black to the block. It's the worldwide niggas. Ladies and germs, it's pandemonium. Brick Napoleon, Dr. Meth, all in your girl fallopian. Fuck you up like a double stack Pokemon. Peek at you, you're a puss. I'm from the bricks with a real car thieves. Rock this funky joint like PRT. Tricks up my sleeve, just give me an hour. I bang two women on an Eiffel Tower. Médicin, y'a tempête, prochaine zone complète pour le gastro. On ramène sur la poudrière la lumière. Celle qui régénère la base et les crimes qu'on a plus communs. Sans disque pour la peine, là c'est con. D'entrée, Jim occupe le ring comme Ali. Déjà ça palie, s'entend le péril proche. Le cœur kaki, la plume passe en coup de cœur, je fais l'argent actif. Place la droite en sortie de rotative. Ressent la force vive, l'énergie de ce son où on sévit à vie. C'est le chant que nos types entonnent comme un choc électrique. Chaque phase touche, égo trip ou métaphorique. Blast et blasé, agressif, puissant, submersible. Vise l'esprit, fier, irascible, y'a un irréductible. Dès le départ, faut que tu comprennes. Understand that red man got a gun, and when I clock it back, fire. Roll up, or we can throw up drinks until we throw hey, yo, up. Yo, right off the back, I want y'all to know. Que c'est équipe scoot et death, y'a le fire dans le show. I am somebody. Sans l'atmosphère, l'atmosphère, là ça rime cool. Yo, the bigger they are, the harder they fall. I got toe cones and love songs harder than y'all. I don't fear nothing at all, frontin' it all. I even got female cops bustin' my ball. Don't mess with my meth. My disc in the deck, like the clip in the tech. You're risking your neck if you're fixin' the flex. Come with your best or don't come. Name the track, I don't run. J'débarque, c'est Kalastarski. C'est la guerre massive, c'est que c'est parti. Esprit de panthère, siège dans mes dits d'artiste. Sans comédie ni me dire, j'connais ce business sans piller ma caverne. And it's not like me to have my back turned to open places. I wanna see it when it's coming so I can open faces. Open cases got me paying to stay out of jail. While these streets got me praying to stay out of hell. Slipped and I fell, got back up, slipped again. But no matter what it's been, niggas never gotta win. It's a thin line I walk every day, but I'm good with it. Project nigga all my life, but wouldn't say the hood. Les deux noirs, alors comme Olifie. Ma poésie prolifique base mes origines au rap qui horrifie la masse. Qui crache des orifices, la haine de la bille, comment est l'uniforme. Pas l'homme et la forme de nos rimes horripiles. Le poids des mots tue les clavicules. Les joies que l'état véhicule en laisse au régime, c'est la rage et les culs. Les traces du vécu sont les traces qu'on inflige au régime. Terroriste comme les psychiatres. Nigga say I'm fucking, and ask me what's that shit I'm on. Cause I did them wrong, carry them greasy, get them gone. What I'm on is some real fuck the world shit. And hoes like the cruddy nigga, so I fuck your girl quick. A nigga Earl sick, that's what they used to say in school. Throwing chairs, hitting niggas with pencils every day in school. Wise man played a fool for reasons of his own. I knew that I would understand the reasons when I'm grown. Now it's on, they started something they wasn't ready for. At the age of 10, I'm busted down, steady for. Coming off a visit, but what's a visit when there's no home? Other kids promise like a boy, it's so grown. I am with you, bro, fuck you, comprehend. Understand that red man got a gun, and when I cock it back, fire! I am somebody! Roll up, or we can throw up drinks until we throw hey, yo, up. Yo, right off the back, I want y'all to know. Cause the keep screwed to death, y'all fire dans le show. I am somebody! Sans l'atmosphère, l'atmosphère, là ça rime gros. Dès le départ, fuck you, comprehend. Understand that red man got a gun, and when I cock it back, fire! I am somebody! Roll up, but we can throw up drinks until we throw hey, yo, up. Yo, right off the back, I want y'all to know. Cause the keep screwed to death, y'all fire dans le show. I am somebody. Sans l'atmosphère, l'atmosphère, là ça rime gros. I am M.E.T. Mr. Method Man. F-U-N-K-D-O-C. This funky joint, joint. 18h-20h, Skyrock Classics. She told me to walk this way. She told me to walk. 30 ans et pas une ride. Run DMC à l'instant sur Skyrock. C'était Walk This Way. On prépare une très très grosse soirée. À partir de 20h, ce sera le Hit US avec les 10 titres rap R&B les plus vendus, les plus téléchargés aux États-Unis. On va découvrir si Ray Schremer conserve la première place avec Black Beatles. À partir de 21h, ce sera la plus grande radio libre de France. La spéciale du dimanche soir avec Vincent qui vous mixe les meilleurs moments de D-Fool entre 21h et minuit. Et un petit peu plus tard dans la soirée, ce sera Fred et DJ Kez au micro de Skyrock pour 2 heures de son hip-hop orientaux. L'émission s'appelle Rai Suprême et c'est entre minuit et 2h chaque dimanche soir sur Skyrock. D'ici là, du son classique à écouter. Rof avec Wallen, Charisme et la Skyrock version d'Estelle et Kanye West. Juste après, c'est American Boy et c'est sur Skyrock Classics jusqu'à 20h. Chanteuse, mange des petits ponts, trop talent. Mets-moi laine pour des crampons. Derrière ses talons, Rof, l'exécuteur. Mets son stylo, des coups de cutter. Tu pisses le son, reste pas trop près des boomers ou des tweeters. Interprète et auteur, pas de playback que du live. Du sans live. Vinyle, pas d'orchestre, pour pas que ça se part en live. La cité à la scène, je me téléporte. Par derrière, Funky et tous mes potes. Sans backstage, franchis toutes les portes. Vont ceux qui m'ont fermé les portes. Je prime leur rayonner. Pendant 12 piges, j'ai grimpé à la corde. Pour enfin rayonner, malgré le succès, je me suis pas mis dedans. M'attendez pas au tournant. Moi, je vais rentrer dedans. Je suis un ouf, moi, vous savez pas. Depuis le début, ça va pas. Et tout ce que j'ai vécu, oh là, vous allez voir. J'ai du kérosène dans le réservoir. Je voyais pas danseur ou choriste. Je voulais être seul comme un pianiste. Pas cali pour deux, je suis pas venu en touriste. Je chante depuis mes premiers souliers, pose pas de questions quand je fredonne. La la la la la la la la. La concurrence a pris confiance. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, y'a de l'ambiance. Que ça soit la Star Rap, les L5, les pop stars, les Wait For. Pour faire ce que vous faites, ça a l'air dur, ça faut être fort. Chanter que des reprises, ça demande beaucoup d'efforts. Sur les plateaux top single, ils attendent Billy trop fort. Mais tu sais qu'avec Rock, faut pas déconner. Ça fait zizir au mien, on me serre la main en me disant ça t'es quoi là, bien. Challenge, Rof et toi, l'aime corrosif comme de la cider. La présenter, les jaloux veulent caner. Rof, plus efficace que le suicide. Donner, hip hop, ma bohème. Wallen, Wallen, t'entraîne dans ses rapides. M'excuser, dans la vie je reste timide. Mais sur le beat, j'ai le charisme d'un leader. Plus tranchant que l'âme, plus touchant que l'arme. Le micro, mon arme, je défouraille du plus profond de mon âme. Je viens casser la barre, j'attends pas mieux de ta part. Si tu contestes, je suis le best. Je suis venu prendre ma part et le reste que tu veux t'aider. Vitry m'a construit, défonce comme mes instruits. M'en sort sans être instruit. Rof, c'est désastre, j'apprends de mieux en mieux. Utiliser mes pouvoirs, faut être bigleux pour pas le voir. Quand c'est Rof, ça a rien à voir. What's happening? What's going on? It's your girl, it's still live. I'm here right now, Skyrock Radio. You know what it is, turn this up. This the number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town.

pas d'Adidas. Alerte au bling bling, bibi bibi biatch. B2O, chef de gang sur bateau d'esclaves. Laquelle de ces rappeurs veut tester MC de Paquette? Ici je suis en visite, Laurent Visu. J'arrive en visite, brisé, il repart en visite. Ça capitule dans l'industrie, c'est la crise. Je m'arrête au feu, les MC lavent mon pare-brise. Ni deux ni une, aucune apparition sans hémoglobine. Viens à la fin de ton film, rends pas les rembobines. Je défraie pas la chronique, je la fume. Si j'avais la thune à Beckham, sa femme serait ma boniche. Mon fils à l'école, tu seras imparable. Si tu échoues et que je pars avant toi, prends mes sous, jette ton cartable. Et je m'imagine en train de fêter. À 2,50 sur le droit chemin, en voiture pétale. À quoi sert d'être célèbre, à mérité. J'ai toujours la vérité au bout des lèvres. Et le passé me suit, de jour comme de nuit. Pourrais-je y arriver au bout de mes rêves? Classics, classics. Kayla 2 SIKS. Aujourd'hui, tu les entends partout. Skyrock Classics. There's always that one person that will always have your heart. You'll never see it coming cause you're blinded from the start. Know that you're that one for me. It's clear for everyone to see. Oh baby. Yeah. You gotta rock away to this one. Oh, come on. See, I don't know about y'all, but I know about us. And it's the only way we know how to rock. I don't know about y'all, but I know about us. And it's the only way we know how to rock. Do you remember, girl? I was the one who gave you your first kiss. Cause I remember, girl. I was the one who said, put your lips like this. Even before all the fame and people screaming your name. Girl, I was there and you were my baby. It started when we were younger, you were mine. Now another brother's taking over, but it's still in your eyes. Even though we used to argue, it's alright. It's alright, girl, that's okay. I know we haven't seen each other in a while, but you will. So remember, boy, the moment I knew you were the one I could spend my life with. Even before all the fame and people screaming your name, I was there. And you were my baby. It's not when we were younger, you were mine. You were mine. Now another brother's taking over, but it's still in your eyes. Tranquillement, chaque dimanche soir, 18h-20h, c'est Skyrock Classics avec Usher, Alicia Keys. On écoutait My Boo à l'instant, une découverte Skyrock, une de plus d'ailleurs, il n'y a que ça, il n'y a que des découvertes, des sons 100% Skyrock. Pour terminer le week-end, le dimanche d'ailleurs, ça s'enchaîne maintenant avec les meilleures ventes aux États-Unis. C'est Stéphane qui s'en occupe, ça va? Yes, grande forme. Écoute, on avait une petite discussion pour savoir ce que voulait dire My Boo juste avant, et ouais. T'as réussi à me répondre d'ailleurs, parce que j'avais aucune idée. Tu me dis, ça veut dire mon visage, mon bébé, un truc comme ça. Mon visage en traduction littérale, mais c'est ouais, ma chérie, ma petite chérie, comme ça. Ok, Alicia Keys, ma trogne, quoi. Dans le site. Voilà, exactement. Très bien. Ok. Bon, bah écoute, merci pour la traduction. En tout cas, merci pour ce Skyrock Classics. Rencard la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec carrément les classiques de Skyrock. Tous les sons qui ont marqué l'existence et l'histoire de Skyrock à pas louper tous les dimanches de 18h à 20h. Exactement. On sera là pour revivre tout ça. Et là, le HUS sans plus attendre. Hein. Et ouais, c'est parti, la nouvelle révélation du hit. Ciao, Steph. Ciao. 14h à New York, 11h à Los Angeles. En France.